Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Il faut que nous écoutions l'hypnotisme auditif de la radio. Il faut que la radio nous mette en sommeil. Si j'avais à donner des conseils à un psychisme fatigué, je dirais « allez à fond de rêve, tâchez de bien dormir ». Et la meilleure manière de bien dormir, c'est d'avoir des rêves aquatiques. Essayez de rêver que la nuit, entre vos draps, vous êtes dans une eau douce, parfumée, tiède. Et par conséquent, prenez toutes les puissances nocturnes. Mais quand le jour vient, quand vous êtes devant votre feuille de papier, si vous êtes mathématicien devant votre tableau noir, tâchez de ne pas être dans l'eau et la boue. Bonjour Alain. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Est-ce que comme bachelor, vous avez des conseils à donner à un psychisme fatigué? En tout cas, on peut rebondir sur le texte que vous avez lu en introduction, parce que quand on le resitue dans son contexte et qu'on en examine le titre, on voit à quel point c'est provocateur ce que dit Bachelard sur le rêve. Parce que ce texte, il est issu d'une conférence qu'il a faite devant une assemblée de philosophes à la Société française de philosophie au début des années 50. Et en plus, c'est un texte qui traite du rationalisme. Donc on peut être surpris de voir un philosophe exposant les principes même de la pensée rationnelle suggérer, et il parle du mathématicien, effectivement, oui, de se reposer la nuit, de bien dormir et de faire des rêves aquatiques pour pouvoir être de plus en plus vigoureux le lendemain dans sa table de travail. Ça, c'est tout Bachelard, hein, à des moments où on l'attend le moins, faire des comparaisons inattendues qui sont toujours fécondes, comme lorsqu'on commence une émission avec la rêverie de Debussy, oui, et ensuite le souhait sous la pluie de Jimi Hendrix. Julien Lamy, vous êtes agrégé docteur en philosophie, vous enseignez la philosophie au lycée Alain Beaune à Montélimar, et vous avez travaillé sur l'œuvre de Bachelard, vous avez consacré votre thèse de troisième cycle à l'Université de Lyon, à Bachelard, et la thèse s'appelait « Le pluralisme cohérent de la philosophie de Gaston Bachelard ». Est-ce que vous l'enseignez à vos lycéens aujourd'hui? C'est un philosophe que j'aborde parmi d'autres, parce que quand on enseigne, on n'est pas censé, prendre uniquement les références qui nous plaisent, mais j'en parle un petit peu, effectivement, de Bachelard, soit justement sur les questions qui concernent la science et, on va dire, la dimension vivante de la pensée scientifique que Bachelard me semble avoir très bien cernée, dont il a fait un tableau, je pense, assez juste, mais aussi quand on parle de l'imagination et de l'art, pour voir à quel point la vie de l'imagination est tout aussi importante pour l'homme que la raison. Et il me semble que c'est ça, chez Bachelard, qui est assez, on va dire, séduisant, cet appel à la fois à mieux penser et à mieux rêver. Et en plus, il a fait cette chose extraordinaire pour nous aujourd'hui, c'est qu'on doit à Bachelard des heures de radio. Oui. Donc on a entendu sa voix en début d'émission, on va beaucoup l'entendre aujourd'hui, parce qu'il a parlé de et sur la radio, ce qui est très précieux, parce qu'il y a peu de philosophes qui s'exprimaient à l'époque oralement et dont la voix était enregistrée. Alors on disait hier avec Pierre Carré qu'en ouverture de cette série sur le rêve, que peu de philosophes avaient exploré directement le rêve, et quand ils l'avaient fait, c'était pour le tenir comme l'opposé de la raison. Oui. Chez Bachelard, c'est l'inverse. Le rêve, la rêverie, non seulement l'intéresse, mais il les vit de l'intérieur et ne les oppose pas du tout à la philosophie. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui est assez saisissant chez lui, cette volonté de réhabiliter le rêve pour en faire un objet de réflexion qui a sa dignité à part entière et qu'il s'agirait vraiment d'examiner, d'explorer dans toute sa réalité qui est plurielle, variée, et sans chercher à le réduire à quelque chose d'autre que lui-même. Ça se voit assez bien dans la façon dont Bachelard se positionne par rapport à la psychanalyse, par exemple. Parce que sur la question du rêve, un des reproches que Bachelard semble faire à la psychanalyse, même s'il en suit les pistes par ailleurs, c'est d'insister sur la dimension d'interprétation de la signification du rêve, et dans une approche qui consiste à le réduire à des dimensions inconscientes, à des désirs refoulés, à des passions finalement sourdes et obscures. Et il me semble que Bachelard reproche à la psychanalyse de ne pas accorder au rêve sa dimension de réalité autonome, qu'on doit comprendre pour elle-même, et non pas en la renvoyant à des causes inconscientes qui en seraient la véritable signification. C'est en ça que c'est un véritable travail de philosophie sur le rêve. Ce n'est pas l'interprétation de rêve, ce qu'il nous dit de nous, mais ce qu'il est en lui-même. C'est l'essence du rêve qui intéresse Bachelard. Je crois que Bachelard essaie de cerner quel type de réalité est le rêve. Ce qui est d'ailleurs un des paradoxes sur lesquels on peut s'attarder quand on lit son travail, c'est qu'il essaie de souligner que tout le domaine de l'irréel, de l'imaginaire, est une réalité psychologique fondamentale dont on peut essayer de restituer les principes directeurs, les logiques propres. C'est vraiment un postulat chez Bachelard très fort qui consiste à considérer qu'il y a une logique de l'imaginaire, une logique du rêve qu'on peut essayer de reconstituer en voyant comment certaines images ont une régularité, s'associent les unes avec les autres de manière assez stable, dans l'idée qu'il y a des lois qui régissent l'imaginaire comme il y a des lois qui régissent les phénomènes physiques. Et il me semble que Bachelard, ça se voit dès les débuts de son œuvre poétique, se présente un peu comme un physicien de la rêverie ou de l'imaginaire. Son œuvre poétique, vous avez dit ? Oui, dans son œuvre qu'il qualifie lui-même d'approche poétique ou de réflexion sur la poésie, notamment des éléments matériels. On voit Bachelard essayer de classer, de trouver des rapports entre les images et qu'il y a toute une vie de l'imagination qui, loin d'être une folle du logis, comme le pensaient les auteurs classiques, de Descartes à Pascal en passant par Spinoza, il y a chez Bachelard cette idée qu'il y a une raison des images. Et si on paraphrasait Pascal, on pourrait presque dire que le rêve a ses raisons, que la raison ignore, mais que justement Bachelard essaye de mettre en évidence. Alors comment en est-il arrivé là et pourquoi s'est-il intéressé au rêve alors que ses premiers ouvrages portaient en 1928 l'essai sur la connaissance approchée qui est sa thèse principale, puis le nouvel esprit scientifique en 1934, la dialectique de la durée en 1936, la formation de l'esprit scientifique en 1938, la psychanalyse du feu, voilà le terme également en 1938, il faut attendre 1942 pour l'apparition de l'eau et les rêves. Comment science et poésie peuvent-ils s'entrelacer dans la pensée de Bachelard? Eh bien voici la réponse que lui-même propose. Je suis un rêveur qui a besoin, ça ne naît pas de moi-même. Pourquoi ça ne naît pas de moi-même? Mais parce que j'ai toujours eu de métier. Quand je me trouve devant le livre scientifique que je veux continuer, alors je ne veux pas me laisser rêver. Et alors par conséquent, il faut qu'un poète comme ça vienne sur ma table. Et puis t'entends, on vous dit quelle belle image. Alors j'oublie mon travail. Et puis me voilà parti, n'est-ce pas, à aimer l'image. Alors j'aime les images, alors je glisse dans mes livres, mais là c'est un bienfait qui ne vient pas de moi. Oh, quelle belle image, c'est Gaston Bachelard que vous écoutez sur France Culture dans un entretien avec Jean Lescure, c'était en 1960, diffusé sur la RTF. Voilà en fait, pour se familiariser avec le type de personnage qu'était Bachelard, c'est vraiment oh, une belle image, comme si ça le surprenait lui-même et qu'il décidait d'investir avec sa pensée ce qui se passait à ce moment-là. Alors, moi, je trouve ça très touchant sa manière de présenter son propre travail, sa propre démarche et cette idée qu'on est comme un peu envahi par les images. Comme si il dépendait pas que de nous d'avoir des images et d'être attiré par certaines images. Et notamment, je crois que si Bachelard revient souvent sur les rêves aquatiques, comme on a dit dès le départ, c'est parce que lui, ce sont les images qui l'attirent et qui l'interpellent. Et on voit qu'il y a quand même une séduction des images. Les images ont une puissance de séduction qui attire et excite l'esprit humain. Et je crois que Bachelard, justement, à un moment donné, a pris conscience de cette dimension fondamentale des images pour la vie de l'esprit de l'homme. Et que cette vie de l'esprit n'était pas cantonnée qu'à la dimension rationnelle. Je crois que parfois on a tendance à un peu trop opposer Bachelard, et c'est en même temps la façon dont son œuvre nous apparaît. Quand on regarde même les livres rangés sur les étalonnages d'une bibliothèque, on se rend compte qu'il y a les livres sur la science et les livres sur la poésie. Donc on a tendance à tout de suite opposer les deux. Mais il me semble que quand on prend le temps de lire Bachelard patiemment et en relisant les livres, parce qu'il faut souvent les relire pour essayer de un peu mieux s'en imprégner, on se rend compte que la raison et la rêverie, finalement, ont des points communs et elles s'opposent à la dimension la plus ordinaire du psychisme. Et il me semble que la rêverie et la raison sont pour Bachelard les deux expressions les plus abouties de ce que l'esprit humain peut produire en lutte contre les facteurs d'inertie qui sont ceux de la vie commune, la vie usuelle, la vie qui est réduite aux exigences d'utilité et de pragmatisme le plus ordinaire du terme, et que la rêverie et la raison, dans leurs belles expressions, sont un arrachement justement à ces facteurs d'inertie et où l'homme peut explorer d'autres dimensions de son esprit. Vous avez employé le terme de rêverie. Oui. Quelle différence avec le rêve ? Alors, cette différence que Bachelard va essayer de bien marquer entre le rêve et la rêverie apparaît particulièrement dans les textes de la fin de son œuvre. La poétique de l'espace et la poétique de la rêverie. Quand on lit les premiers textes sur les éléments matériels, on se rend compte que Bachelard utilise assez indistinctement rêve, songe, rêverie, et il tient un discours qui n'est pas spécialement différencié de ce point de vue-là. Et il accorde même beaucoup d'importance au rêve nocturne dans ses travaux sur les éléments matériels. Importance qui va assez disparaître vers la fin de son œuvre, notamment dans la poétique de la rêverie, où là il essaiera de marquer une très grande différence entre le rêve nocturne et la rêverie. Il me semble que la différence fondamentale, elle tient dans le caractère très passif du rêve nocturne, où le sujet n'existe quasiment plus. Je crois que pour Bachelard, le rêve nocturne est une non-expérience dans une certaine mesure. C'est plutôt un événement qui nous arrive dans la nuit, désorganisé, sans qu'aucune conscience soit réellement présente dans le rêve. Je crois qu'on garde des fragments, Bachelard nous dit, de cette vie nocturne dans la vie éveillée. On a des souvenirs de rêve, mais qui n'ont pas la même force que les images qui sont celles de la rêverie, dans laquelle une conscience demeure présente. Alors une conscience qui n'est pas la même que celle du penseur au travail ou que celle qu'on a dans la vie ordinaire, mais qui est une autre forme de conscience que d'ailleurs Bachelard va appeler le cogito du rêveur dans la poétique de la rêverie, pour se démarquer notamment de Descartes, hein, qui accordait au cogito une importance fondamentale. Bachelard va dire oui, mais Descartes a oublié le cogito du rêveur et cet état de conscience. Ce qui n'est pas complètement vrai, parce que Descartes traite du rêve quand même au début des méditations métaphysiques, on en parlera demain. Mais faut pas, voilà, il y a souvent une vision, autant il y a une vision schématique de Bachelard, c'est vrai aussi pour Descartes. Oui. Et donc il y a cette idée que dans la rêverie, il y a une conscience qui demeure présente, et que cette forme de conscience lui donne un caractère plus productif, plus actif que le rêve, dans lequel le rêveur est d'une certaine manière dépossédé de lui-même par les images nocturnes sur lesquelles il n'a aucune incidence et aucun pouvoir. Alors que dans la rêverie poétique, il me semble qu'il y a quand même une dimension plus investie de manière personnelle, et elle est vraiment l'objet d'une expérience. C'est un état dans lequel on se trouve et dont on fait l'expérience, à la différence du rêve, qui est plutôt un événement qui nous arrive dans tout ce qu'il a de décousu et de désorganisé. Et notamment, je crois qu'une des choses sur lesquelles Bachelard insiste, c'est que la rêverie est toujours positive, dans le sens où elle est toujours l'expérience d'un bien-être, d'une tranquillité, d'un repos. Alors que le rêve nocturne peut aussi être le cauchemar, l'angoisse. Ce qui me semble pour Bachelard est un parti pris très fort de dire que la rêverie, c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous invitera à cultiver personnellement la rêverie pour ses bienfaits, elle ne peut être que l'objet d'un bien-être et d'une tranquillité. Bien que parfois on se surprend à avoir des idées, à une forme de rêverie qui puisse être négative. Tout d'un coup on imagine le pire à propos d'un événement qui n'est pas encore arrivé. Elle n'est pas forcément positive, la rêverie. C'est le fruit d'un travail que d'arriver à obtenir une rêverie positive. Mais je crois que la rêverie qui devient angoissante s'arrête. Elle cesse. Je crois que ce que dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, oui. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des pensées obsessionnelles qui peuvent nous angoisser, effectivement. Mais je crois que pour Bachelard, ça serait pas de la rêverie. Je crois qu'il y a un vrai parti pris fort chez lui de dire que la rêverie ne peut être que l'expérience positive d'un monde dans lequel on se sent bien. Écoutons-le définir la rêverie à travers la voix de Georges Clès. C'est un extrait de la poétique de la rêverie. Les psychologues courent aux plus caractéristiques. Ils étudient d'abord le rêve, l'étonnant rêve nocturne, et ils donnent peu d'attention aux rêveries, à des rêveries qui ne sont pour eux que des rêves confus, sans structure, sans histoire, sans énigme. La rêverie est alors un peu de matière nocturne oubliée dans la clarté du jour. Si la matière onirique se condense un peu en l'âme du rêveur, la rêverie tombe au rêve. Les bouffées de rêverie notées par les psychiatres asphyxient le psychisme. La rêverie devient somnolence, le rêveur s'endort. Une sorte de destin de chute marque ainsi une continuité de la rêverie au rêve. Pauvre rêverie que celle qui invite à la sieste. Il faut même se demander si dans cet endormissement, l'inconscient lui-même ne subit pas un déclin d'être. pauvre rêverie que celle qui invite à la sieste, nous dit Bachelard, qui pourtant a souvent parlé du plaisir qu'il prenait lui-même à faire des siestes. Alors, aidez-nous à bien comprendre ce que signifie ici la rêverie, Julien Lamy. Comment faire pour que notre cerveau, puisqu'il s'agit quand même, c'est une donnée scientifique, hein, puisse lui-même être apte à accueillir ou produire la rêverie telle que l'entend Bachelard, ni pas assez, ni trop. Alors moi, ce que je trouve quand même surprenant dans ce texte, c'est qu'il y a quand même un paradoxe avec ce qu'on a vu au départ, où Bachelard nous invite à quand même bien dormir. Puis là, il nous parle d'une rêverie qui finalement va pas à l'endormissement et qui aboutit à ce concept ou ce personnage, même plutôt qu'il l'élabore, du dormeur éveillé, c'est-à-dire de celui qui suit la rêverie mais qui ne va pas vers l'endormissement. Donc on a cette figure un petit peu paradoxale que Bachelard justement essaie de faire le tableau en disant les deux pôles de la vie nocturne et de la vie diurne. Il y a une zone de clair-obscur entre les deux qui est celle de la rêverie éveillée, dont pour lui le poète est celui qui parvient à lui donner sa forme la plus aboutie grâce justement à la production écrite d'une rêverie qui après s'exprime à travers le langage. Alors, ce qui me semble important à souligner dans le phénomène de la rêverie, c'est que déjà Bachelard essaie de liquider une pensée commune ou une opinion qu'on a sur la rêverie, à savoir que la rêverie c'est une forme de délassement, de pure détente, de celui qui rêvasse. Et Bachelard justement lui veut parler d'une forme de rêverie qui n'est pas la rêverie qui rêvasse, qui est quand même une rêverie active, dans laquelle une expérience se vit, mais qui n'est pas une expérience du même ordre que celle qu'on vit dans la vie ordinaire. Alors la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire et quelle est cette expérience. Je crois que cette expérience c'est celle de l'image. Et c'est pour ça que dans la poétique de l'espace et la poétique de la rêverie, Bachelard insiste sur cette dimension expérientielle de l'image, qui va marquer d'ailleurs un tournant dans sa manière de parler de l'imagination. Parce que quand on regarde les textes sur l'imaginaire des quatre éléments, on se rend compte que Bachelard les aborde un peu comme quelqu'un qui les étudie de l'extérieur. Il veut classer les images, voir les lois qui enregistrent la composition, le développement. Et on a une approche un peu, qu'on pourrait dire, en troisième personne, en spectateur détaché. Oui. Alors que dans les dernières poétiques, Bachelard se pose en première personne et essaie de nous convaincre en reprenant la méthode de la phénoménologie, hein, qui consiste à vivre en première personne certaines expériences de la conscience pour pouvoir en dire quelque chose de manière directe. Essaie de nous faire comprendre quelle est cette expérience justement de la rêverie, qui est une expérience de l'image, d'être saisi par l'image, émerveillé par une image, et se trouver dans un état qui est une sorte d'état contemplatif, mais qui n'est pas lié à la contemplation d'un objet extérieur, qui est un état contemplatif dans lequel le rêveur et l'objet qui provoque sa rêverie s'unissent de manière assez intime, et dans lequel la distinction sujet-objet, qui est pourtant le propre de la conscience la plus vigile, tend à se disloquer, à devenir plus poreuse. Et c'est ça qui fait dire à Bachelard que dans le cadre de la rêverie, l'homme est plus distant du monde, il est dans une disposition d'accueil, de disponibilité. Et je pense que c'est peut-être pour ça que Bachelard pariait sur la possibilité pour la radio de provoquer des états de rêverie avec ce qu'il appelait l'hypnotisme auditif. Le fait que écouter la parole, je crois que c'est beaucoup plus langagier que visuel. C'est ça, quand vous parlez d'image, il ne faut pas imaginer qu'une image picturale ou une image visuelle. Non, oui. Qu'est-ce que c'est une image pour Bachelard? Je crois que c'est avant tout une image. Alors, il y a une dimension quand même qui est iconique et qui est dans l'imagination, mais elle est surtout langagière. Je crois que les images qui intéressent. Une métaphore Bachelard, littéraire, par exemple. Par exemple, oui, ce sont les images des poètes. Donc, c'est les mots qui nous font rêver. D'ailleurs, Bachelard a écrit tout un chapitre sur le rêveur de mots dans la poétique de la rêverie. Mais même des fois, Bachelard va plus loin et il nous dit que ce sont les mots eux-mêmes qui rêvent. C'est-à-dire que certains mots ont cette capacité de provoquer en nous des états de rêverie. À condition peut-être qu'on s'en rende disponible. Et peut-être que toute la thématique chez Bachelard d'une sorte de diététique ou d'hygiène dans la manière de rêver, de cultiver la rêverie, rejoint cette idée qu'il faut aussi se mettre dans des états de disponibilité. Parce que la forme d'attention un peu spéciale que requiert la rêverie suppose qu'on soit disponible. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui la méditation ? On pourrait voir quelque chose d'assez proche, mais avec cette dimension, je pense que chez Bachelard fait vraiment son originalité de quelque chose qui passe par l'imagination. Non pas par une attention consciente, présente, au sens où on pourrait le voir dans les méditations de pleine conscience, par exemple, là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un vecteur imaginaire. C'est l'imagination qui peut nous mettre dans des états de méditation un petit peu particuliers, dans lesquels on va pouvoir bénéficier de tous les bienfaits de l'état de rêverie qui nous apaise, qui nous tranquillise, pendant un temps assez court, mais qui est, me semble-t-il, un des points importants, que l'état de rêverie est une suspension du temps. Il y a la suspension du temps et l'importance de l'espace aussi chez Bachelard, puisque qui dit rêverie, imagination, dit aussi ouverture de l'espace dans lequel nous vivons vers un autre espace dont nous ne pouvons peut-être pas faire l'expérience au sens où nous expérimentons l'espace dans lequel nous nous mouvons avec notre corps, mais qui est quand même bien réel. Et ça, c'est une dimension très importante. L'espace ouvert par la rêverie. Oui. Oui, chez Bachand, je crois que la rêverie, quand elle est vraiment une rêverie, une bonne rêverie, une rêverie efficace, nous relie à un monde, qui est le monde dans lequel on se sent bien. Il a d'ailleurs un certain nombre de passages dans lesquels il dit la rêverie nous révèle nous-mêmes, déjà, nous révèle nos propres tendances profondes. Donc notamment tout ce que dit Bachelard sur les rêveries aquatiques sont d'une certaine manière des confidences personnelles sur son imaginaire propre. Parce que comme il le souligne bien dès les travaux sur l'imaginaire matériel, chacun parmi nous a des tendances à préférer certains types d'images à d'autres. On a des imaginaires marqués aussi par nos propres tempéraments poétiques. Et il me semble que l'image à la fois nous révèle, mais elle nous révèle aussi le monde dans lequel on se sentirait bien. Et Bachelard dit même que les états de rêverie les plus profitables sont ceux qui nous révèlent le monde dans lequel on pourrait être nous-mêmes et les mondes dans lesquels on pourrait vivre une vie qui serait à la hauteur de nos aspirations les plus profondes, contre justement les soucis qui viennent de la vie sociale. Je crois qu'il y a vraiment chez Bachelard cette idée que les responsabilités qui nous viennent de la vie professionnelle et de la vie sociale, qui sont l'objet d'un souci, d'une préoccupation, il reprend ce thème-là, sont d'une certaine manière, ont besoin qu'on puisse aussi avoir des espaces de liberté pleine et complète. Et il me semble que sa valorisation de la rêverie est aussi la valorisation d'un espace-temps de liberté dans lequel on peut rêver de qui on pourrait être dans un autre monde qui serait à la hauteur de nos aspirations. Bon, alors on a envie d'en savoir plus forcément avant de prendre des images précises qu'emploie Bachelard pour qualifier la rêverie, notamment l'eau dormante ou la flamme de la chandelle. Voici un extrait d'un autre texte, La terre et les rêveries de la volonté, sur les liens entre le travail et l'onirisme, le rêve. Enlevez les rêves, vous assommez l'ouvrier. Négligez les puissances oniriques du travail, vous diminuez, vous anéantissez le travailleur. Chaque travail a son onirisme. Chaque matière travaillée apporte ses rêveries intimes. Le respect des forces psychologiques profondes doit nous conduire à préserver de toute atteinte l'onirisme du travail. On ne fait rien de bon à contre-cœur, c'est-à-dire à contre-rêve. L'onirisme du travail est la condition même de l'intégrité mentale du travailleur. Ah, vienne un temps où chaque métier aura son rêveur attitré, son guide onirique, où chaque manufacture aura son bureau poétique. La volonté est aveugle et bornée qui ne sait pas rêver. Sans les rêveries de la volonté n'est pas vraiment une force humaine, c'est une brutalité. On ne fait rien de bon à contre-cœur, dit Bachelard, c'est-à-dire à contre-rêve, comme si le lieu du rêve, on en parlait, hein, l'espace ouvert par le rêve était identique à celui du cœur, ou qu'on associe généralement au cœur. Et puis ce souhait que Bachelard formule presque comme un cri, « Ah, vienne un temps où chaque métier aura son rêveur attitré, son guide onirique, où chaque manufacture aura son bureau poétique. » Comme si sans rêve, on travaillait moins bien, Julien Lamy, ça que ça veut dire ? Je crois que c'est effectivement ce que Bachelard veut dire. Oui, c'est quand même, ce texte est éminemment subversif. Oui. La proposition d'installer un bureau poétique dans chaque lieu de travail serait quand même quelque chose aujourd'hui qui Et c'est sérieux de... en plus. Oui, c'est tout à fait sérieux. Il y a derrière ça, on n'est pas dans l'ordre de la boutade. Il y a vraiment quelque chose qui découle de ce que Bachelard a compris sur le fonctionnement de l'homme au travail. Alors, sa réflexion est quand même liée principalement aux métiers qui sont de l'ordre de l'artisanat, qui sont ceux qu'il prend comme guide dans sa réflexion, les images notamment du forgeron par exemple, ou ce type de travaux. Mais il me semble que ce qu'il dit se généralise de manière assez simple à l'ensemble des activités dans lesquelles l'homme doit engager son énergie pour réaliser une tâche qui est souvent pénible, difficile. Et ce texte s'associe dans Les terres et les rêveries de la volonté à toute une réflexion sur ce qui différencie la rêverie du projet. Bachelard essaie de montrer que le projet, c'est la dimension rationalisée du travail. Quand le travail a déjà été pensé avec toute une logique, une procédure, une méthode, dans laquelle là on est dans l'ordre d'un comportement de type technique. Mais il me semble que Bachelard essaie de montrer que pour que le travailleur puisse réellement s'engager avec toutes les forces de son être dans son travail et puisse surtout expérimenter la joie de l'homme qui travaille et qui dépasse ce qu'il appelle le coefficient d'adversité des choses, le fait que les matières qu'on travaille, quelles qu'elles soient, sont résistantes et opposent souvent leur résistance à nos efforts, l'homme a besoin justement de développer tout son enthousiasme pour pouvoir en venir à bout. Et je crois que ce que Bachelard veut dire, c'est que si le travailleur ne peut pas rêver, il ne peut pas mobiliser ses énergies pour travailler. Et ce qui est le plus, je trouve, radical dans ce texte, c'est que Bachelard n'invite pas simplement le travailleur à faire des pauses pour, à certains moments donnés, se ressourcer pour ensuite revenir. Oui, c'est ça, comment invite-t-on à rêver ? Là, c'est vraiment dans le cadre même du travail que le travailleur est censé pouvoir trouver toutes les ressources dont il a besoin dans la façon dont il va rêver son propre travail, dont il va imaginer son action, notamment contre une matière. Alors, je me rappelle avoir parlé de ça à des artistes il y a quelques années à Vevey, dans une école de céramique, et pour eux, c'était quelque chose d'assez évident. C'est d'ailleurs ce que je trouve assez fascinant chez Bachelard souvent, c'est les artistes et les gens dont ils parlent qui se reconnaissent assez bien dans ce qu'ils disent. Et justement, dans cette idée d'une rêverie de la matière, d'un travail de la matière, notamment le travail de la main dans le cadre de la céramique, était quelque chose pour ces gens-là qui était assez clair. L'idée qu'on n'est pas que dans un projet méthodique, rationalisé, avec des actes techniques à réaliser. Il y a une façon d'aimer la matière que l'on travaille, dans laquelle on se projette justement par l'imagination, par cet état dans lequel on imagine son propre travail. Et il y a donc une étape qui est de l'ordre un peu de la visualisation presque en amont de l'activité qu'on va mener. Et Bachelard essaie de souligner dans La Terre et les rêves de la volonté qu'il y a tout cela est lié à un enjeu de confiance en soi et dans son action. Oui, il y a le terme de confiance, oui, qui est lié, oui, avec le rêve, enfin la confiance qui peut émerger d'une rencontre entre le rêve et le travail. Oui. Et d'un être qui est capable justement d'imaginer son propre travail et son action, et pas simplement de le penser en termes de procédures ou de normes rationnelles d'action. Mais est-ce que ça peut s'appliquer à un travail qui n'est pas en prise avec la matière ? Dans le cas d'un artisan, on peut très bien voir un potier, comme vous le dites, même un cordonnier, un artiste, dans des travaux plus abstraits, et pas simplement pas des domaines scientifiques, puisque Bachelard était scientifique, et il montre que la rêverie est tout à fait compatible avec le milieu scientifique, mais des travaux qui ne sont pas enrichissants, qui n'ont pas de matière première à modeler, qui sont de l'ordre de l'exécution. Effectivement, ça peut sembler d'une certaine façon compliqué, et notamment peut-être aujourd'hui pour tous les travaux qui sont de l'ordre du travail dans les bureaux ou dans les travaux au contact du virtuel. Est-ce qu'on pourrait retrouver les mêmes enjeux ? Je ne sais pas, mais peut-être que si Bachelard a raison, ça veut dire qu'il y a peut-être des manières de travailler qui seraient plutôt nuisibles à l'être humain et que certains travaux seraient peut-être plus psychiquement profitables que d'autres. Bah, ce seraient des manières de travailler, vous l'avez dit, oui, pas les travaux en eux-mêmes. Et d'envisager l'objet de son travail. Je me souviens qu'il y a quelques années, on avait organisé un colloque à Lyon sur les travailleurs de l'eau, où notamment des gens qui sont métiers des travailleurs qui travaillent sur l'eau étaient venus justement montrer, selon la façon dont on se représente l'eau sur laquelle on travaille, quel imaginaire est mobilisé. Est-ce que c'est uniquement l'eau en termes de ressources naturelles exploitables, ou est-ce que c'est l'eau en termes de matière qui suscite une certaine rêverie liée à la nature ? On est dans des approches complètement différentes de l'objet sur lequel on travaille. Et il me semble que c'est ce type d'enjeu qu'on peut trouver chez Bachelard dans le rapport à la matérialité de l'objet sur lequel on travaille. Mais oui, toute la question se pose, dans ce cas, quand il n'y a pas de matière réellement au sens habituel du terme, est-ce que les mêmes rêveries peuvent être en jeu ? Et est-ce que peut-être justement Bachelard a cerné des choses qui permettent de comprendre pourquoi dans certains types de métiers aujourd'hui, il y a des souffrances psychiques beaucoup plus marquées que peut-être dans certains autres travaux où la pénibilité physique était peut-être plus forte que pénibilité, on va dire, psychique. Reste à savoir ce qu'on entend là, cette fois-ci, non pas par rêve, mais par matière. Oui. Puisque Bachelard le dit bien, on ne rêve pas avec des objets, mais avec de la matière. Oui. Ça veut dire que c'est pas une matière uniquement comme texture, comme ce que l'on peut toucher, mais c'est une manière de concevoir la tâche que nous faisons à travers le prisme de la matière. Ça peut être à la fois abstrait et concret, ce terme-là. Oui, la matière dont parle Bachelard, c'est souvent une matière imaginée. C'est la manière dont le rêveur est touché par une matière, que ce soit l'eau, la terre, le feu, et notamment pour, en tout cas, le travailleur, c'est surtout la matière terrestre qui, dans sa dimension dure ou molle, dans ce que Bachelard dit dans La Terre et les rêveries de la volonté, va susciter un rapport différent. Je crois que, par exemple, Bachelard montre bien que les matières dures, comme le bois ou le granit, vont susciter beaucoup plus une action offensive de la part du travailleur qui doit lutter contre la matière. Alors que les matières plus molles, comme le travail de la pâte, notamment dans le cas du modelage, impliquent un autre rapport à la matière plus doux. Je crois que Bachelard a démontré que les types de matières qu'on travaille et l'imaginaire qu'elles suscitent engagent des expériences différentes. Et là, on entre dans le dur, si j'ose dire, de la matière que travaille Bachelard dans ses textes. Voici un autre extrait de Bachelard, Le dormeur éveillé, La rêverie lucide, était de 1954, où il lit un passage de L'eau et les rêves, texte qui date de 1942. Dans ce texte, il décline les différentes façons qu'a l'eau d'être, de venir à soi, d'être perçu. Et dans le passage que vous allez entendre, il loue les qualités de l'eau dormante, y compris même la formule d'eau dormante qui, selon lui, éveille un espace d'imagination extrêmement fécond. Par quel génie psychologique notre langue française a trouvé la formule « une eau dormante ». Pourquoi cette image? Pourquoi nous apparaît-elle si vaste, si vraie, si humaine? Je m'assieds sur le bord de l'étang et me voici dans l'expérience même du dormeur éveillé. Elle est, par ses profondeurs, le miroir de mon être profond, le double de mon être caché. Il me souvient, devant l'eau dormante, des rêves de mes plus profonds sommeils. Et puis, avez-vous entendu ce conseil de silence que donne une eau dormante? Près d'elle, le dormeur éveillé n'écoute plus que le déplacement de ses songes. Il médite sur la vie, il médite sur la mort. Il est en état de méditation première. Il est placé à l'origine du songe, et le songe l'éclaire sur la destinée de l'homme et du monde. On parle de l'importance de la matière pour Bachelard, Julien Lamy, mais quand on écoute sa voix, on entend sa voix, son accent, la tessiture, il y a une texture de sa voix. Oui, tout à fait. Ce qui renseigne sans doute sur ce qu'il pense. Si on avait ce genre d'archives pour les philosophes dont nous parlons ici, on aurait sans doute une autre perception de ce philosophe eux-mêmes. En tout cas, ici, écouter Bachelard, c'est comme... c'est un trésor, en fait. On a envie de reprendre chaque mot qu'il emploie, chaque expression. Ici, il y en avait beaucoup. Je repars d'une, peut-être plus inattendue, plus confidentielle. Mais il dit que l'eau dormante peut nous donner un conseil de silence. Comme si, finalement, c'est ça. C'était une sorte d'extinction de la parole à laquelle elle nous invitait. Et qu'elle nous plonge dans un état de méditation un peu particulière dans lequel on éprouve la tranquillité que cette eau dormante nous renvoie. Je trouve que ce texte, il illustre assez bien l'effet que peut nous faire l'état de rêverie dans lequel on peut être. Alors, soit dans la contemplation directe, on peut dire, de l'eau dormante, si on est face à un étang, face à un lac, ou dans le souvenir qu'on peut en avoir, cette idée que l'image qui émerge de cette contemplation du paysage a un effet sur nous. Au point qu'au bout d'un moment, il me semble que c'est ça qu'essaie de dire Bachelard, la séparation entre moi et le monde commence à se distendre. La séparation du réel et de l'imaginaire a tendance aussi à s'effriter un peu. Et il me semble que ça décrit cet état d'attention un peu particulière dans lequel on se trouve, cette disponibilité et cet accueil dans lequel on est quand on est en état de rêverie. Parce que justement, les frontières marquées habituellement entre justement la réalité et l'imaginaire, ou moi et le monde, tendent à se dissoudre. Et des jeux d'interrelation se font que dans la contemplation de l'eau dormante, est-ce que c'est moi qui contemple l'eau, est-ce que c'est l'eau qui me contemple? Bachelard dit des choses de ce type-là dans L'eau et les rêves à propos du complexe de Narcisse, en disant qu'on ne sait jamais trop dans les images de l'homme qui se regarde dans l'eau, si finalement c'est l'homme qui regarde son reflet ou si c'est le monde qui contemple l'homme à travers le miroir de l'eau. Donc, on essaie de montrer que justement ces états contemplatifs provoquent en nous on pourrait dire des états modifiés de conscience, mais naturels. Sans drogue. Voilà, effectivement. Et d'ailleurs, Bachelard en parle en disant que ces états modifiés de conscience naturels sont beaucoup plus profitables, parce que justement, on a cette forme de conscience qui demeure présente. Il parle en connaissance de cause ? Ça, on ne sait pas. Ah ben voilà, il ne nous a pas tout dit, l'homme de mille confidences. Alors, il y a une chose sur laquelle il insiste aussi, c'est que dans l'eau dormante, dit-il, le monde se repose, le rêveur adhère au repos du monde, et ça va dans le sens de ce que vous disiez, c'est comme un lien naturel qui se recrée entre l'homme et le monde dans la rêverie. Est-ce que ça voudrait dire que la rêverie serait finalement le meilleur antidote au doute? C'est qu'en fait, dans la rêverie, s'il n'y a plus de lieu de mise en question du rapport entre le monde et moi, qui est quand même ce qui pose problème à Descartes, à toute la tradition sceptique, eh bien en fait, du coup, c'est une autre philosophie qui se développe. On ne doute plus dans la rêverie. Oui, effectivement, mais tout ça est lié à la façon dont Bachelard conçoit l'insertion de l'homme dans le monde. Je crois que pour lui, ce qui est premier, c'est le rapport imaginatif au réel dans lequel on se trouve. Il y a un certain nombre de textes, notamment dans Les Rêves et les Songes, où Bachelard essaie de montrer que ce qui est premier, d'un point de vue, on va dire, chronologique, mais aussi d'un point de vue, on va dire, psychique, c'est la non-séparation de l'homme et du monde. Je crois que pour lui, la séparation homme-monde qui est caractéristique de la pensée consciente éveillée est une conquête qui se joue pendant l'éducation et dans laquelle il y a un arrachement, je crois, aux états premiers dans lesquels il y a une sorte de porosité entre l'homme et le monde qui font qu'on n'a pas besoin de se demander si on est au monde parce qu'on y est. Et on l'accueille, on y adhère, et ces interrelations entre nous et les matières, et entre nous et la nature, est première. Et je pense que c'est pour ça que Bachelard accorde de grande importance à la figure de l'enfant, en disant que l'enfant est un maître en termes de rêverie, et que les poètes retrouvent peut-être les états de rêverie qui sont typiques de l'enfance, dans lesquels justement la séparation du sujet et du monde n'existe plus, et qui est une sorte d'évidence dans les états de rêverie, en tout cas dans leur durée qui est propre, c'est ce lien au monde. Bachelard dit bien que la rêverie, c'est du liant. Et on se sent appartenir au monde par la rêverie. Et effectivement, peut-être que la question du doute et de la question de la représentation correcte du réel et notre insertion dans une pensée rationnelle est quelque chose de second. D'ailleurs, Bachelard dit bien que ce sont des secondes approximations. C'est une pensée de deuxième niveau, on pourrait dire. Alors que notre contact premier avec le monde, il est de l'ordre affectif et imaginatif. Mais dans les deux cas, dans le cas de Bachelard ou dans le cas des sceptiques, le but, peut-être que ce n'est pas le seul, mais quand même un des buts de la philosophie est de renouer avec ce contact premier qui est perdu. Oui, et je crois que c'est pour ça que Bachelard accorde une si grande importance aux poètes, parce que je crois que pour lui, les images qu'on trouve chez les poètes ont cette possibilité, ont cette puissance de nous mettre en état de rêverie, et ça peut nous permettre de retrouver de manière momentanée et ponctuelle des états de contact avec le monde dans lesquels la séparation au monde disparaît. Alors avec l'eau, on comprend bien ce lien, ce liant de la rêverie, cette image de l'eau dormante. C'est peut-être plus compliqué de le voir avec d'autres éléments, puisque vous l'avez dit, il travaille sur les quatre éléments. Voici un exemple du feu, et en particulier du feu de la chandelle, dans ce texte qui s'appelle « La flamme d'une chandelle », qui est un texte tardif, et dans lequel Bachelard semble se livrer. Lorsqu'il dit « je », c'est vraiment de lui dont il parle. Et écoutez comment il décrit ce rapport à la chandelle et les rêveries que cette chandelle éveille en lui. Le rêveur est à sa table. Il est en sa mansarde. Il allume sa lampe. Il allume une chandelle. Il allume sa bougie. Alors, je me souviens. Alors, je me retrouve. Je suis le veilleur qu'il est. J'étudie comme il étudie. Le monde est pour moi comme pour lui le livre difficile éclairé par la flamme d'une chandelle. Car la chandelle, compagne de solitude, est surtout compagne du travail solitaire. Penser, je n'ose. Avant de penser, il faut étudier. Seuls les philosophes pensent avant d'étudier. Mais la chandelle s'éteindra avant que le livre difficile soit compris. Il faut ne rien perdre du temps de lumière de la chandelle, des grandes heures de la vie studieuse. Si je lève les yeux du livre pour regarder la chandelle au lieu d'étudier, je rêve. Alors, les heures ondulent dans la solitaire veillée. Les heures ondulent entre la responsabilité d'un savoir et la liberté des rêveries, cette trop facile liberté d'un homme solitaire. L'image d'un veilleur à la chandelle me suffit pour que je commence, moi, ce mouvement ondulant des pensées et des rêveries. Oui, je serais troublé si le rêveur qui est au centre de l'image me disait les causes de sa solitude, quelque lointaine histoire des trahisons de la vie. Ah, mon propre passé suffit à m'encombrer. Je n'ai pas besoin du passé des autres. Mais j'ai besoin des images des autres pour recolorer les miennes. J'ai besoin des rêveries des autres pour me souvenir de mon travail sous les petites lumières. Pour me souvenir que moi aussi, j'ai été un rêveur de chandelles. Fermez les yeux et écoutez Gaston Bachelard, dont la voix donne envie de rêver et de méditer ce qu'il dit, et dont le texte lu par Georges Clès fait ressortir les qualités littéraires de ce texte, Julien Lamy. là encore, beaucoup de choses dans ce texte, cette dimension de veilleur sur laquelle on va revenir. Mais d'abord, il y a une progression dans ce qu'on a entendu. Il est seul, il voit, il imagine quelqu'un, un veilleur, face à sa chandelle, et il s'identifie à lui. Mmh. Et à la fin du texte, enfin de l'extrait qu'on a entendu, eh bien, il renoue avec les autres. Il y a quand même le besoin, la nécessité des images des autres pour exister lui-même. C'est pas un solipsisme absolu. Ah non, c'est d'ailleurs ce qui est assez paradoxal, je crois, dans ce que Bachelard dit sur l'imagination et la rêverie, dans la mesure où la rêverie est toujours une activité solitaire, mais au fond de laquelle on peut retrouver une communion avec les autres, ce qu'il appelle la communion des âmes. C'est assez surprenant, dans son travail sur la science, Bachelard montre qu'il y a un commerce des esprits, et que c'est dans l'échange et le dialogue que les esprits progressent dans la connaissance. Et il essaie de montrer que la poésie, au contraire, implique un certain repli sur soi-même, mais qui n'est pas un enfermement dans une bulle où on est coupé du monde ni des autres, dans la mesure où le fait de pouvoir revivre soi-même l'image qui a été proposée par un autre nous met finalement en communion avec tous les hommes, mais dans leur dimension, on va dire, impersonnelle et anonyme. Ça nous met en relation avec l'humain, je crois. Un peu comme ce que Hegel voulait dire à propos de l'art, qu'avec l'art, rien d'humain ne nous est plus étranger. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce que Bachelard dit à propos de la poésie. N'importe qui a supposé que l'image dont parle le poète puisse lui parler, par rapport à son tempérament personnel, peut retrouver justement un état de rêverie qui est une forme de communion de tous les rêveurs. À la fois subjectif et universel. Il y a quelque chose de transsubjectif, dit Bachelard. Il emploie ce terme-là pour dire que c'est pas l'intersubjectivité du dialogue rationnel, mais c'est une forme de subjectivité différente qui suppose une relation personnelle et solitaire à des images. Mais ces images ont été proposées par d'autres hommes. Donc revivre cette image, c'est d'une certaine manière vivre une expérience que quelqu'un d'autre a pu vivre et que je peux moi-même m'approprier. Alors, quel rôle joue la flamme dans l'imaginaire? Ici, la flamme, je trouve que l'insistance de Bachelard sur la flamme permet de montrer la différence, par exemple, entre la flamme et le feu dans le foyer. Bachelard parle beaucoup du feu, hein, c'est un thème qui revient souvent. D'ailleurs, sa conversion à l'imaginaire, selon le titre d'un livre qui lui a été consacré, elle se trouve dans la psychanalyse du feu. C'est là qu'on voit un passage. Et un de ses derniers textes publiés à titre posthume est Les fragments pour une poétique du feu. Donc, on voit que l'imaginaire du feu est quelque chose qui, pour lui, est très important. Mais quand on lit les textes qui parlent du foyer, on voit que c'est des textes qui renvoient le plus souvent à son enfance, ou à ses jeunes années. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est d'ordre d'une expérience de la vie commençante et notamment de la vie familiale. Quand il parle de la chandelle, on voit qu'il est beaucoup plus question de sa vie d'adulte. Et ça renvoie à son expérience de travailleur qui lit justement tous ses livres de poète ou de science sous la chandelle. Et qu'on voit que finalement c'est la chandelle qui pourrait passer pour un simple instrument de travail, c'est-à-dire quelque chose d'utile pour pouvoir lire. On voit que pour Bachelard, c'est complètement autre chose. Et ça permet de comprendre ce qui est pour lui la façon de poétiser notre rapport au monde. C'est que la chandelle n'est pas qu'un moyen pour lire. Elle est elle-même une occasion de rêverie. Elle est presque, comme il le dit, un compagnon de travail. Et une façon de... Je crois que ce qui fait que la rêverie nous permet d'entretenir notre lien au monde, c'est que par la rêverie, on donne aux choses et aux objets une sorte d'identité, une sorte de familiarité, qui en fait pas simplement des choses impersonnelles, mais qui en fait des êtres avec lesquels on a une sorte de commerce intime. Et il me semble que la chandelle sur le bureau, que Bachelard appelait sa table d'existence d'ailleurs, hein, ce qui est très révélateur. Sa table de travail, sa table d'existence. Il appelait ça sa table d'existence, et avec la page blanche qui nous donne le droit de rêver, et la plume qui est l'expression même de la pensée qui se matérialise. Et il me semble que la bougie n'est pas un objet, c'est presque, comme il le dit, un compagnon. Ça signale bien... tout ça me fait penser à ce que Bachelard dit d'un auteur qui s'appelle Martin Buber, qu'il a beaucoup lu et dont il avait préfacé un livre qui s'intitule « Je tue », où Buber montrait l'importance de la relation à l'autre homme, ou même pas qu'à l'autre homme, mais à l'autre en général, sous forme de quelqu'un à qui on s'adresse. Et Buber opposait ça au « je cela », c'est-à-dire à la relation quelque chose d'impersonnel. Mais il me semble que Bachelard reprend dans ses travaux sur la rêverie cette dimension-là, en montrant que les objets du monde, qui ne sont pas des personnes, peuvent être d'une certaine manière... presque personnifier, devenir des compagnons, des amis avec lesquels on partage un monde, justement, monde de la table d'existence. Et qui nous révèle autre chose sur nous, puisque cette phrase, on peut s'identifier très facilement, quiconque a fait l'expérience de lire un livre et de regarder, alors soit la flamme d'une bougie ou peu importe, un objet à côté comprendra. Il dit, si je lève les yeux du livre pour regarder la chandelle, au lieu d'étudier, je rêve. Et c'est si simple. Tout le monde a fait l'expérience, mais Bachelard met les mots là-dessus. C'est très difficile de saisir ce qui se passe à ce moment-là. Mais c'est là où il est très fort. Oui, mais je pense que chacun peut retrouver sa propre expérience si on se déleste de l'importance que lui accorde à la flamme, qui est l'objet de son expérience. Moi, je dirais, par exemple, dans mon cas personnel, c'est plutôt le regarder par la fenêtre. Mmh. Si je lis avec une fenêtre à côté, que ce soit dans un train ou même chez moi, le moment où je vais pouvoir partir dans cet état de même momentané de distraction ou de partir ailleurs, c'est lever le nez du livre pour regarder dehors. Et je pense que chacun reconnaîtra ses propres tropismes personnels selon justement ce qui est pour lui ce moment qui permet justement cette façon de se délester de l'activité très concentrée dans laquelle on était, où quelque chose d'autre se joue, qui n'est ni le sommeil, ni la conscience vigilante, mais cet état justement un peu de disponibilité dans laquelle on a une forme de concentration libre, non dirigée. Et la lecture est faite de ça aussi. Oui. De ces moments qui ne sont pas forcément rationnels. Et d'ailleurs, Bachelard le dit bien, on va envoyer une petite pique au philosophe dont il fait partie. Il dit « penser, je n'ose, avant de penser, il faut étudier. Seuls les philosophes pensent avant d'étudier. » Ça veut dire quoi, pense avant d'étudier, comme si les philosophes n'avaient... Ils pensent savoir avant même d'étudier, c'est ça? C'est comme une pensée non mise à l'épreuve ou... Non, je pense que déjà, ce que dit Bachelard est très lié à sa critique de la façon dont la plupart des philosophes traitent de la science sans y comprendre grand-chose. Je crois que c'est lié quand même à son expérience de philosophe des sciences, parce que l'étude, selon lui, de la science requiert une préparation culturelle, une culture scientifique minimale qui permet de comprendre de quoi on parle. Et je pense que pour lui, beaucoup de philosophes parlent de... En tout cas, à son époque, c'est peut-être valable encore aujourd'hui, parlent de la science sans trop avoir de connaissances scientifiques. Mais je pense que ça veut dire aussi, effectivement, que les philosophes ont souvent des a priori méthodologiques ou doctrinaux qui les conduisent à finalement être déjà dans des pensées très engagées sur des rails, et que peut-être la confrontation aux objets ou même sur lesquels on travaille serait un préalable à une activité de réflexion qui, je pense pour Bachelard, mériterait d'être informée par un contact direct avec des travaux, pas de philosophes, mais de scientifiques sur l'objet en question, ou même de poètes, parce qu'on le voit même dans la rêverie, Bachelard parle toujours de documents poétiques. C'est-à-dire d'images écrites par d'autres. Mais ça paraît tellement évident qu'on se demande pourquoi Bachelard n'a pas été davantage entendu. Lu, il est encore étudié. Mm-hmm. C'est pas le philosophe français qu'on cite en premier, et pourtant son œuvre est vraiment imposante. Mm-hmm. Mais ce qu'il appelle de ses voeux, une fréquentation plus assidue de la part des philosophes d'autres disciplines que la leur, l'un lien entre philosophie et science, philosophie et poésie, c'est malheureusement pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. On a plutôt une culture clivée, en général, entre les littéraires et les scientifiques, alors que Bachelard essaie de montrer justement que on a à se former comme il faut dans les deux directions pour apprendre à mieux penser et aussi apprendre à mieux rêver, parce qu'on a besoin des deux, je crois. Et c'est un parti pris chez lui pour épanouir notre nature humaine qui a, comme il le dit lui-même, un destin scientifique et un destin poétique. C'est très engagé. Pourquoi est-ce que ce que dit Bachelard est resté lettre morte? Pourquoi n'y arrivons-nous pas? Alors ça, je sais pas. Non, mais peut-être vous qui connaissez si bien Bachelard, peut-être vous êtes-il à comprendre pourquoi c'est si compliqué. Moi, je pense que Bachelard est assez méconnu en raison de son caractère un peu inclassable. C'est-à-dire que comme on aime bien mettre des étiquettes sur les philosophes pour les faire appartenir à des traditions et à des familles, Bachelard est difficilement classable, et ça, je pense, ça gêne sa visibilité. Par ailleurs, son style d'écriture très intuitif, très parfois un peu fragmentaire, très fouillis, fait que il correspond pas non plus aux standards qui sont aujourd'hui ceux des philosophes professionnels, dans lesquels on a une pensée souvent beaucoup plus rigoureuse en termes argumentatifs. On voit que chez Bachelard, l'intérêt qu'il y a à penser quelque chose prime sur son exposition rigoureuse sous forme argumentée. Et je pense que parfois, on a du mal à bien percevoir toutes les thèses qu'il défend, tous les présupposés auxquels il adhère, quels sont clairement ses arguments, parce qu'il a une écriture comme ça très foisonnante. C'est souvent ce qui revient, c'est très très foisonnant. Donc je pense que ça, c'est aussi un des obstacles à sa réception. Après, il y a peut-être aussi des choses qui sont liées le mot est peut-être mal choisi, mais la mentalité ou la culture qui est la nôtre aujourd'hui, dans lesquelles, par exemple, prenez le droit de rêver, et même de bien rêver pour bien travailler, ou de bien rêver la nuit pour faire des beaux théorèmes le lendemain, c'est des choses qui me semblent globalement, culturellement inaudibles. Je ne sais pas s'il y a des cultures où c'est plus audible, mais il y a aussi aujourd'hui des impératifs, qu'ils soient sociaux, économiques, qui empêchent peut-être de mettre ça en pratique. En tout cas, Bachelard est quand même fait partie de ces philosophes qui sont encore étudiés, alors que d'autres philosophes sont tombés dans l'oubli. Il est aussi connu à l'international et il livre des clés ici d'une pratique de la philosophie qu'on ne lit pas ailleurs. Au fond, ce qu'il dit, c'est absolument... Il est le premier à dire ce genre de choses. Oui, je pense, en tout cas de l'assumer de manière très ouverte et en plus souvent de manière très caustique. Il ménage pas ses piques envers les philosophes. Il est beaucoup plus généreux avec les scientifiques et les poètes qu'avec les philosophes. Mais effectivement, je crois qu'il y a chez lui l'idée d'une pratique de la philosophie comme pratique, réellement comme un faire et pas simplement comme une récitation, une activité vraiment abstraite. Et une philosophie qui doit se mettre au travail quand il s'agit de parler de choses, on va dire, sérieuses, entre guillemets, ou de la science, et une philosophie qui se met aussi au travail d'une autre manière quand il s'agit de lire les poètes, de vivre l'expérience qui est celle que nous procure la poésie pour essayer d'en dire quelque chose qui soit au plus proche de cette réalité. Je crois qu'il y a chez Bachar une volonté d'être au plus proche de ce qu'est l'expérience de l'homme qui pense, de ce qu'est l'expérience de l'homme qui rêve, pour essayer de restituer cette réalité dont on fait nous aussi l'expérience, mais sur laquelle on n'a peut-être pas des fois les bons mots pour en rendre compte adéquatement. Vous savez quelle est pour Bachar la meilleure façon d'atteindre ce rêve éveillé? Voilà, je veux. C'est la radio. C'est la radio, oui. Il le dit lui-même. Ouais. Écoutez, on va se quitter avec ce son. C'est par la radio qu'il faut faire du rêve éveillé. C'est la radio le soir qui doit dire aux âmes malheureuses, aux âmes lourdes, il s'agit de ne plus dormir sur terre. Il s'agit de d'entrer dans le monde nocturne, dans le monde nocturne que tu vas choisir, dans cette espèce de plan. La radio inconsciente. Moi, j'ai le nuage, j'ai le feu, j'ai la forêt. Il n'y a pas de loup dans la forêt quand elle est expliquée par un psychanalyste, un métaphysicien. Vous voyez par conséquent que la radio, elle est vraiment en possession de possibilités de réveil extraordinaires. Eh bien, c'est ça que je demande, enfin, aux grandes autorités de la radio. Je demande qu'on laisse aux valeurs inconscientes une demi-heure par jour, enfin des philosophes un peu tranquilles, on leur dit, vous allez montrer comment il faut que l'humanité ait les valeurs de calme, les valeurs de profondeur. Merci beaucoup Julien Lamy d'avoir fait partie aujourd'hui de ces grands philosophes un peu tranquilles dont parle Bachar, qui viennent à la radio communiquer ces valeurs de calme, dit-il. Merci Adèle de m'avoir invité. C'était un grand plaisir et puis peut-être un jour votre thèse ou un autre livre sur Bachar sera publié, on vous lira avec plaisir. Merci. On se quitte avec le rêve de Charles Trenet. Je suis un poète assis sur un nuage et je vois la terre du haut des cieux. Je lis dans les cœurs, je lis sur les visages. Je lis dans les yeux, je vois dans les têtes, à la belle fête, oui je vois que chacun rêve, rêve sans trêve, ce sont droits. Le clochard rêve, rêve d'un hôtel, l'abeille rêve, rêve de son miel, le curé rêve, rêve d'être au ciel. Moi je rêve de vos yeux, mon amour, le caissier rêve, rêve d'addition, le rentier rêve, rêve de coupons, l'athlète rêve, rêve de champion. Et moi je rêve de vos yeux toujours, et le bon Dieu, tout près de moi, m'a dit c'est toi qui as raison, c'est toi, tant pis pour eux, tant mieux pour toi. C'est merveilleux, moi je ne sais rêver que d'amour. La cloche rêve, rêve du bedeau. Le vigneron rêve, rêve de tonneau. Les femmes rêvent, rêvent de chapeau. Et moi je rêve de vos yeux, maman. Je vois tour à tour les grands oiseaux qui passent. Et tous les humains me semblent des fourmis. Seul de tous les rêves qui jouent dans l'espace. Mon rêve est joli, je vais redescendre. Et je vais surprendre sans pudeur le cœur fragile, les yeux dociles de mon cœur. Le meunier rêve, rêve de pain blanc. Le maçon rêve, rêve de ciment. Le cocher rêve de l'enchant. Et moi je rêve de vos yeux, mon amour. La chatte rêve de souris. Le chinois rêve de son riz. Le pacha rêve, rêve d'être au lit. Et moi je rêve de vos yeux toujours. Et le bon Dieu, tout près de moi, m'a dit c'est toi qui as raison. C'est toi, tant pis pour eux, tant mieux pour toi. C'est merveilleux, moi je ne sais rêver que d'amour. Le fermier rêve de ses bœufs. Le marquis rêve des aïeux. L'alouette rêve, rêve de ciel bleu. Et moi je rêve de vos yeux toujours. Et toi tu le rêves, et lui il rêve. Et moi je rêve de vos yeux, mon amour. Et moi je rêve de vos yeux, mon amour. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté aujourd'hui par Colomba Grossi. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Colomba. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous partez d'une expérience. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, je veuille réfléchir à un concept précis en philosophie. Par exemple, celui de nihilisme. J'ouvre donc un dictionnaire de philosophie, et selon toute vraisemblance, je vais tomber sur trois choses. D'abord, la mention de l'origine étymologique du terme. En l'occurrence, nihilisme vient de nihil en latin, qui signifie rien. Puis une définition large. Le nihilisme, c'est la doctrine qui nie toute vérité morale et spirituelle. Et enfin, des indications sur le sens attribué au concept par les différentes théories philosophiques qui l'ont thématisé. Pour Nietzsche, par exemple, le nihilisme correspond à l'état d'effondrement de la civilisation, lorsque certaines valeurs ont perdu leur autorité, mais n'ont pas encore été remplacées par de nouvelles. Généralement, l'article d'un dictionnaire de philosophie classique s'arrête là. Mais le livre dont je vous parle ce matin fait un pas de plus, puisque dans leur dictionnaire paradoxal de la philosophie, Pierre Dulot, Guillaume Morano et Martin Stephens s'attardent pour chaque notion étudiée sur le paradoxe qui l'habite. Et cette place accordée au paradoxe n'est pas gratuite, elle est appelée par la nature même de la réflexion philosophique. Puisque philosopher consiste en bonne partie à chercher et à formuler des problèmes, alors un dictionnaire de philosophie digne de ce nom doit faire une place au caractère problématique, contradictoire, paradoxal des concepts dont il propose une définition. Il est nécessaire de faire une place à la contradiction qui travaille tout concept, parce que c'est elle qui stimule la pensée et qui lui donne son impulsion. En un mot, la thèse des trois auteurs de ce dictionnaire, c'est qu'en philosophie, penser signifie toujours surmonter des contradictions. Alors qu'est-ce qu'on trouve, Colomba, comme exemple de concept contradictoire ? Eh bien, vous pouvez tomber entre autres sur la notion d'angoisse, qu'il faut distinguer pour la définir d'autres notions proches, comme la peur. Peur qui est toujours peur de quelque chose, qui a toujours un objet déterminé, alors que l'angoisse, paradoxalement, est une frayeur sans véritable cause. Dans l'angoisse, disons-nous communément, on se sent oppressé. Mais qui est ce « on » ? Qu'est-ce qui oppresse ce « on » ? Nous ne pouvons pas dire devant quoi on se sent oppressé. Toutes les choses et nous-mêmes, nous nous abîmons dans une sorte d'indifférence. Cela pourtant, non point au sens d'une disparition pure et simple, mais dans leur recul comme tel, les choses se tournent vers nous. Ce recul de l'existant dans son ensemble qui nous obsède dans l'angoisse est ce qui nous oppresse. Il ne reste rien comme appui. Dans le glissement de l'existant, il ne reste et il ne nous survient que ce rien. Nous ne pouvons pas dire devant quoi on se sent oppressé. C'est un texte de Heidegger qu'on trouve dans Qu'est-ce que la métaphysique et qui dévoile la contradiction qui travaille de l'intérieur la notion d'angoisse. On est angoissé sans pouvoir dire ce qui motive cette angoisse. Elle est une sorte d'affect sans objet et on a l'impression presque incompréhensible qu'elle se nourrit de cette absence de cause angoissante. Si l'on saute quelques pages et que l'on atterrit à l'entrée droit de résistance, là aussi une contradiction apparaît rapidement. La résistance à l'oppression fait partie des droits naturels de l'homme, énoncés par l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Si les gouvernements sont établis pour garantir ces droits naturels, alors il est légitime de résister au pouvoir qui les bafoue. Mais qu'est-ce qu'un droit qui autorise sa propre négation ? Quelle est, je cite, « la force de contrainte d'un droit que les individus peuvent légitimement bafouer s'ils estiment qu'il est injuste ?» Accorder au peuple un droit de résistance revient donc pour certains philosophes à fragiliser l'ordre juridique, à l'instar de Kant qui écrit dans la Métaphysique des mœurs « Contre le souverain législateur de l'État, il n'y a aucune résistance du peuple qui soit conforme au droit, car c'est uniquement par la soumission à sa volonté universellement législatrice qu'un État juridique est possible. » On pourrait continuer encore en pointant par exemple le paradoxe qui fait de l'événement un bouleversement imprévisible qui rompt la continuité historique et en même temps ce que l'on cherche toujours à expliquer en le reliant à ce qui précède. Ou bien le paradoxe qui fait de l'oubli de certaines choses superficielles la condition de la mémoire d'autres choses essentielles. Dans tous les cas, ce qu'on voit à chaque entrée de ce dictionnaire paradoxal, c'est le rapport d'attraction-répulsion qui unit la pensée à la contradiction, rapport presque érotique qui explique la citation de Kierkegaard mise en exergue du livre « Il ne faut pas penser de mal du paradoxe, cette passion de la pensée, et les penseurs qui en manquent sont comme des âmes en sans passion, de piètres partenaires. » Merci Colomba. Alors où peut-on trouver ce dictionnaire paradoxal de la philosophie ? Il est publié aux éditions Lessus. Et ses auteurs, Pierre Dulot, Guillaume Morano et Martin Stephens, qui sont tous venus d'ailleurs au micro des Chemins de la philosophie, notamment pour les émissions Bac Philo, on les salue bien. Merci, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Colomba Grossi, bien sûr, Géraldine Mosna-Savoie aussi, bien sûr, Isis Jourda, Nicolas Berger qui réalise cette semaine à la prise de son. Aujourd'hui, c'était Swad Boukarsa à la lecture des textes Georges Kless. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur les rêves. Demain, nous parlerons des rêveries métaphysiques de Descartes. Et ce sera le philosophe Thibaut Grèce qui sera en studio pour en parler. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger. la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, pour mieux rêver. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, continuez à rêver sur France Culture.